est bien changé. Du haut de ton delta plane, moi qui n'avais plus d'âme, je t'ai tout de suite aimé. Yeah.